Le dernier rendez-vous du 5-7, c'est la chronique Blockbuster. Et ce matin, je suis très surprise, Frédéric Sigrist, vous ne nous parlez pas de West Side Story. Ben non, Mathilde, parce que Steven Spielberg et West Side Story dans la même phrase, il y a tout France Inter qui m'est passé devant. Et en les voyant courir comme ça dans les couloirs, je me suis demandé, mais il y a Eddie de Tréteau et Juliette Armanet qui reprennent les meilleurs sketchs de Pierre Desproges au studio de 104 ou quoi? Alors Ron Delmas est passé devant moi, il m'a donné une place de cinéma pour aller voir Les Tuches 4 et il m'a dit bah comme ça au 5-7, Sigrist, t'auras qu'à parler du déterminisme social et de Bourdieu chez Jeff Tuche. Remarque, je me suis dit c'est une bonne idée, hein. Les Tuches 5, qu'est-ce qu'on a fait à Bourdieu? C'est 2 millions d'entrées minimum, hein. Du coup cette semaine, bah, j'ai continué mes séries en cours et j'ai notamment regardé les 4 premiers épisodes de Hawkeye, la dernière série Marvel Studios sur Disney+. Alors, ok, Mathilde, c'est un des Avengers. Vous savez, il y a Hulk, Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow. Et puis, il y a Hawkeye. Qu'on connaît pas. Voilà, si vous voulez, c'est comme si vous alliez à un gala des humoristes France Inter, vous vous attendez à voir Guillaume Meurice, Émeric Lompré, Marina Rollman, et finalement, il y a que moi et Thomas Croisière. voilà. Hawkeye, c'est le gars sans super pouvoir qui a un arc et des flèches pour repousser des invasions aliens. Le gars, pour lutter contre le réchauffement climatique, il fait pipi sous la douche. Mais en bande dessinée, c'est justement ce côté loser magnifique qui rend le personnage intéressant. Matt Fraction et David Aja, un scénariste et un dessinateur de comic book, on fait de lui un personnage à la Tarantino ou à la Guy Ritchie, un héros divorcé au corps meurtri, qui est toujours à côté de demi-dieux tellement brillants qu'on ne le remarque finalement jamais. Xavier Bertrand après une primaire de la droite. Le souci, c'est que dans la version filmée, ils ont fait de Hawkeye un père de famille marié, avec 3 enfants, interprété par Jeremy Renner. Et disons que niveau charisme, Jeremy Renner, faire une série où le héros c'est lui, c'est un peu comme Yannick Jadot qui te parle d'écologie. Tu l'écoutes parce qu'il y a que lui en fait. Hein. On le voit en famille, à Noël, dire les bénédicités avant le repas, comme Charles Ingalls, qui me fait toujours penser à cette blague très connue. C'est un Américain qui demande « Mais pourquoi vous les Français, vous ne priez jamais avant de manger ?»« Parce qu'on n'en a pas besoin, on sait cuisiner. » Vous lisez des blagues maintenant dans vos chroniques. Quand Eric Ciotti m'a raconté celle-ci, j'étais mort, j'étais mort. Ce qu'ils ont gardé de la bande dessinée, c'est que Clint Barton, le vrai nom civil d'Hawkeye, suite aux nombreuses explosions à côté desquelles il s'est retrouvé, a perdu l'audition. Il est devenu sourd et doit utiliser un appareil auditif pour continuer d'entendre. Et dans une scène de la série que j'ai trouvée très forte, peu de temps après que son appareil auditif ait été brisé lors d'un combat, il reçoit un coup de téléphone de son fils. Et soudain, on n'est plus du tout chez les super-héros, il y a une réalité très concrète qui rattrape le spectateur. Privé d'audition, quelque chose d'aussi anodin qu'un coup de téléphone de son enfant devient impossible si on est tout seul, sans personne, pour coucher sur le papier ce que ton interlocuteur est en train de te dire. Là où habituellement le handicap donne au héros accès à d'autres pouvoirs qui lui permettent de composer la perte d'un de ses sens, la vue avec Daredevil, le toucher avec Doctor Strange, on a avec Hawkeye un cas concret de héros qui a perdu quelque chose à cause de son style de vie. Et le handicap, c'est ça, rendre un geste totalement simple et éminemment compliqué, avec toute la frustration que ça génère et qui ne sera jamais comprise par les valides. Hawkeye, c'est une série sur les différentes facettes de la surdité. Dans la même série, on fait la connaissance d'Echo, Maya Lopez, une assassin sourde depuis l'enfance et qui pratique la langue des signes. Et ce qui est notable, c'est que le rôle est interprété par Alacoa Cox, une actrice qui est réellement sourde de naissance. Alors les plus cyniques vont me dire bah, « Quel intérêt ? Quand Tom Hanks a joué un séropositif dans Philadelphie, il n'a pas poussé le rôle jusqu'à vraiment attraper le sida !» Mais le débat au fond, c'est pourquoi demander à un excellent acteur de jouer un sourd, alors qu'il existe des sourds qui sont d'excellents acteurs. Et il y a quelques semaines, dans Les Éternels de Chloé Zhao, un des personnages les plus plébiscités par le public, Macari, était elle aussi interprétée par une actrice atteinte de surdité, Lorraine Ridloff. Alors on pourrait penser qu'il n'y a qu'une volonté très mercantile derrière cette représentation du handicap à l'écran, un agenda woke, comme dirait certains. Pourtant, suite au succès du film, l'apprentissage de la langue des signes a bondi de 250% aux États-Unis. N'en déplaise, voilà donc un cas très précis où plus de représentation à l'écran a amené plus d'inclusion dans le réel. Le cinéma, Mathilde, est des fois plus efficace pour ceux qui n'entendent pas que ceux dans le réel qu'on voit partout et qui la ramènent trop. Frédéric Sigrist, très en forme ce matin. Je vois que vous avez réussi à vous remettre de votre nuit du manga sur France Inter il y a 2 jours. Oui, là, je suis sur l'adrénaline pure. Pour ceux qui ne dormaient pas d'ailleurs, qui dormaient d'ailleurs et qui n'ont pas pu l'écouter, il y a un podcast, il y a quelque chose? Oui, alors il y a le podcast de la première partie, les 3 premières heures qu'on a fait en direct et qui est disponible depuis hier. Et ensuite, il y a le podcast de Marie Palot, Yamanote, qui fait un 360 sur la culture manga. Et bah parfait. Merci beaucoup, Frédéric Sigrist. Et je signale que vous êtes en spectacle ce soir à Châtellerault. Rendez-vous à 20h30 et puis à Paris dès lundi.